Le Parti pour la prospérité et le progrès du Nigeria a honoré le dirigeant Kim Jong-un comme son dirigeant national d'honneur. La cérémonie de remise du certificat du titre de dirigeant national d'honneur a eu lieu le 7 janvier à Abuja. Y ont pris part des personnalités du Parti pour la prospérité et le progrès et du Parti pour le progrès du peuple et l'ambassadeur coréen au Nigeria et ses collaborateurs. Les participants ont déposé des bouquets de fleurs devant le tableau de peinture représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il. Le président national du Parti pour la prospérité et le progrès du Nigeria, Goodwill Nunazi, a transmis le certificat à l'ambassadeur coréen Chung Yong-chol. Il a dit que le dirigeant suprême Kim Jong-un jouit du respect et de la vénération infinie de l'humanité progressiste pour ses exploits immortels accomplis dans la cause de l'édification d'une puissance socialiste de la Corée et que le fait de l'honorer comme dirigeant national d'honneur est le témoignage de la volonté et du vœu unanime des membres de sa direction et de tous les militants de son parti.